tordues. Celles qui ont le crâne rasé, celles qui savent pas s'habiller. Celles qui ont peur de puer. Celles qui ont les chicots pourris. Celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux. Celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles. Les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches. Celles qui ont des gros bides. Celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des... Et voilà, c'est la dernière des bâtons d'Anguirou, saison 1, on va dire, hein, cette émission numéro 22, je crois, docteur. Oui, 22 ou 23, je ne sais pas. 22 ou 23, bon. 22, 23. Qui sera placée sous le signe de la fête, de l'humour, du champagne, du clin d'œil et aussi de l'anecdote. Voilà, on est tous ensemble ce soir pour fêter le football, pour fêter le débat. Et fêter votre émission, je pense. C'est très bien que vous preniez la parole assez vite, mon cher de Cuvillier, puisque voilà, on voulait ce soir vous rendre hommage, puisque c'est vous qui nous avez mis le pied à l'étrier il y a de ça un petit peu plus d'un an, avec une très belle émission à la destinée un peu courte malheureusement, qui s'appelait « Des bâtons dans les roues ». Vous allez nous en dire un petit mot juste après de cette émission. Et à l'époque, vous aviez monté de toutes pièces avec le président une belle émission de débat. Et avec cette belle équipe, Brett, Magic, le docteur, on avait surfé sur l'occasion pour monter des bâtons d'Anguirou. C'était nos débuts, c'était il y a un peu plus d'un an. Et voilà, aujourd'hui, 23 numéros de des bâtons d'Anguirou. C'est un peu à vous qu'on les doit, cher Romain. Vous êtes notre invité de ce soir, notre premier invité de ce soir. Bonsoir, Romain. Eh bien, bonsoir, cher Manuel. Je suis très honoré, bien sûr, d'être invité dans votre ô combien fameuse émission, que je suis bien sûr chaque début de mois ou tous les deux mois. Deux fois par mois, simplement, une émission bimensuelle. Que vous réalisez avec un sérieux inégalable. Et voilà, bah écoutez, je suis très heureux d'être dans ces nouveaux locaux. Mais racontez-nous un petit peu, pour rappeler à nos auditeurs, on fait un peu d'histoire ce soir, la genèse de votre projet, des bâtons dans les roues, celui qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, je disais juste avant. Eh bien, écoutez, c'était une petite émission à portée culturelle, bien entendu, de débat, qui a été, effectivement, comme vous l'avez dit, assez rapide, vu qu'il n'y a eu qu'un seul épisode. Voilà, mais quel épisode ? Ah oui, on s'en souvient. Voilà. Je crois que monsieur de la Villardière s'en souvient aussi. Il y a vraiment eu des beaux moments de débat. On a avancé ce soir-là, de mars 2012. C'est ça, et je suis content que, du coup, voilà... Ça n'a pas été, inutile, vu que vous avez pris le relais avec cette émission, on va dire, un petit peu plus spécialisée. Voilà, à réussir à confronter ce milieu très particulier du football à la culture, voilà, et tant d'autres choses. Bah écoutez, c'est pas peu de choses que de recevoir ce bel hommage de votre part, cher Romain de Cuvillier. Et je crois, docteur, que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est très fiers, nous, de vous recevoir ce soir. Oui, on est fiers de recevoir... Vous ne nous entendez pas ? On ne vous entend pas bien, docteur, puisque c'est vous ce soir qui êtes notre envoyé spécial. Oui, mais normalement vous devriez m'entendre. Non, vous ne m'entendez pas ? Je mets mon casque, donc je vous entends d'accord. Maintenant. Très bien. Oui, c'est moi qui suis en régie. Alors oui, bel hommage, effectivement, que cette présence de ce de Cuvillier, qui a été finalement un détonateur pour des bâtons d'Anguirou. C'est lui qui a mis le feu aux poudres, quelque part. Et ça, certes, n'est pas non plus un grand aficionado de football, mais tout de même, il a eu le mérite de nous mettre le pied à l'étrier ou le pied au crampon, je ne sais pas comment on dit dans notre sport, mais tout de même, ça a été le début d'une très belle épopée, une épopée qu'on est content ce soir de fêter avec les auditeurs qui... Alors, on est submergé de messages, mais il faut pas hésiter tout de même à nous appeler. Alors, c'est le moment peut-être, docteur, de rappeler le numéro de l'antenne. Exactement. Vous pouvez le faire, vous qui l'avez sous les yeux. Bien sûr. Alors, le numéro de l'antenne, je pense que c'est le 04 91 08 28 10. Mais si jamais ce n'est pas ce numéro de téléphone-là, peut-être est-ce le 04 26 78 12 85. Donc voilà, une nouvelle fois, les auditeurs ont le choix. Et on ne pourra pas prendre tout le monde. Voilà, on ne pourra pas prendre tout le monde. Ça faut que déjà les auditeurs le sachent. Bah, il y a un SAS. On a quand même quelqu'un qui travaille. Vous avez un standard ? On a un standard, bien sûr. Oui, il y a un standard. Voilà. Donc il faut bien sûr que ça rentre dans le cadre de l'émission de ce soir. Cadre que bien présenté par Manuel. Humour. Champagne, fête de la musique. Voilà. Après, on a deux autres invités qui trépignent déjà de se confronter à ces auditeurs, de leur apporter ce bonheur, d'apporter leur pierre à cet édifice parfois branlant, mais qui a tenu la route pendant un an, qui a été contre tous les vents, contre tous les courants contraires. Voilà, c'est une embarcation qui fièrement arrive à bon port, je crois, ce soir. Oui. Je vous propose, docteur, d'expliquer un peu à nos auditeurs le dispositif un peu spécial de ce soir avant de présenter nos deux autres invités, puisque nous avons dû faire face à la défaillance de plusieurs membres de notre dispositif habituel. D'abord Brett, qu'on salue, qu'on embrasse. Brett qui est retenu pour affaires familiales. Voilà. Des affaires d'importance, oui. Qu'il livre dans le Vaucluse, mm-hmm. Apparemment. Il y a peut-être du pognon en jeu, je ne sais pas trop. Hein, mais en tout cas, voilà, il ne pouvait pas venir ce soir, on le salue bien bas. On espère qu'il va peut-être nous donner un coup de fil. Hein, on le souhaite, on le souhaite, tout à fait. Parce que peut-être qu'il a fait ce travail-là aussi pour... éventuellement faire en sorte qu'on puisse financer la Coupe du Monde 2014. Bon, ça, on en reparlera une fois au Brésil, quand Magic reprendra les manettes. À ce propos, d'ailleurs, Magic, petit forfait, hein, la fatigue de la fin de la fin de l'année, tout simplement. Tout à fait. On a peut-être l'ami Redouane. Alors Redouane va peut-être venir nous, le magnifique Redouane, hein, celui qui avait suppléé tellement bien le beau Magic pour des commentaires de matchs vraiment précis, pointus, sharp comme on le disait à l'époque. Redouane va sans doute nous rendre visite en studio un peu plus tard dans la soirée. Magic, on le salue bien sûr, on l'embrasse bien fort. On embrasse aussi Dundee qui aurait pu être là, mais finalement non. Bon, bah, c'est comme ça, c'est les lois du calendrier, on va dire. On embrasse aussi Daniel Caramba qui était un petit peu notre invité fétiche. Bon, il a préféré notre invité ambiance, on va dire. Dans un bar au numéro 33. Voilà. Un bar qui se fait un petit peu l'étendard du rock bordelais sur Marseille. Du rock bordelais ? Oui. Bordelais, voilà. Je pense que ça, on peut le dire. Très bien, c'est parfait. Et il nous reste à nous présenter tout de même nos deux derniers tout à fait. Et pas des moindres. Manuel, je vous laisse la parole. Eh bien, ce soir, mesdemoiselles, nous recevons le séduisant Croquette. Croquette qui est un homme qui avait envie de venir depuis longtemps dans notre émission, n'est-ce pas Romain ? Ah oui. Oui, vous le confirmez. Je confirme. Croquette qui est traducteur de profession et qui a traduit de nombreux essais sur le football, notamment les textes de Michel Platini, de Didier Six, en diverses langues, notamment en anglais. Et c'est de cette expérience-là qu'il va nous parler ce soir. Oui, bonsoir Croquette. Bonsoir. Je tiens à préciser que je ne signe pas mes œuvres sous le nom de Croquette, mais bon, évidemment, je ne vous dévoilerai pas ma réelle identité. Il faut maintenir le secret. Bien sûr. Libre à vous d'aller faire des recherches pour essayer de trouver tout ça. Et donc, oui, je suis potentiellement un spécialiste du football, même si je cache bien mon jeu. Alors, c'est un spécialiste qui se cache, mais nous avons l'habitude de ce genre de spécialiste dans la profession. Hein. Vous avez traduit, je crois, récemment le dernier témoignage de Raymond Domenech pour une édition britannique. C'est ça, un bel ouvrage de 800 pages. Ouais. Ça m'a pris un certain temps et beaucoup de documentation. Et alors, qu'est-ce que ça... Parce que ce n'est pas encore paru en France. Ça va paraître d'abord, je crois, sur Jersey, il me semble. Ça commence par Jersey, ensuite Guernesey. Mm-hmm. Il y a une question de Sark aussi, mais ça a été confirmé. Et normalement, ça devrait finir par arriver en France à un moment donné. Donc, bon. Ouais, j'ai une petite question à ce propos. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Tout seul ». Vous avez choisi de le traduire par « Very alone ». C'est un choix... bon. C'est osé, c'est très, très osé, ça c'est sûr. C'est tout à fait à votre honneur. Ouais. Mais voilà, est-ce que vous estimez qu'on est obligé, dans ce type de traduction, d'être vraiment dans, dans un calcage, finalement, de la pensée de Raymond, hein, de l'ami Raymond, sur... voilà, pour notre public anglophone qui connaît peut-être mal Raymond, je ne sais pas si Very Alone était tout à fait le titre adéquat. Vous soulevez les questions très pointues de traduction, en fait, par cette question, parce que j'aurais pu tout simplement dire Lonely ou quelque chose de très simple. Mais évidemment, ça pose débat, et notamment pour le titre d'un ouvrage, on réfléchit à deux fois. Et alors, le justifier, Very Alone, bon, je me suis dit que, connaissant le personnage Domenech, je me suis dit qu'une petite note franchouillarde de l'anglais qui parle son français comme il le peut, ou de l'inverse, pardon, du français qui parle son anglais comme il peut s'en débrouiller, ça avait une petite connotation sympathique. Et ça m'a pris quelques jours de réflexion, mais j'ai fini par trancher comme ça. Vous avez rencontré Raymond pour, du coup, j'imagine, travailler un peu ce boulot du passage du français à l'anglais. Est-ce qu'il est si près des clichés qu'on veut bien lui prêter en France, c'est-à-dire un type un petit peu sûr de lui, un petit peu prétentieux, un peu péteux, comme on pourrait le dire ? Moi, je l'ai perçu comme une personne très simple, très facile d'accès. Et du coup, on est toujours en contact, d'ailleurs. On va régulièrement dîner ensemble. Et écoutez, c'était une très belle rencontre. Hein. Je n'ai aucun regret par rapport à ça. Bah écoutez, merci Croquette. On va revenir, bien sûr, avec vous tout au long de ces missions. Et puis, on va accueillir, du coup, notre troisième invité, Théo, dit Tété. Pour les intimes, Théo, vous êtes journaliste, vous êtes la caution un petit peu journalistique de l'émission, vous êtes le seul à avoir la carte de presse. D'ailleurs, j'ai appris des choses aujourd'hui sur cette histoire d'obtention de la carte de presse, parce que nous, on vous en parlera plus tard, chers auditeurs, on souhaite l'obtenir pour la prochaine Coupe du Monde, mais apparemment, on aurait des bâtons d'anguirou pour cette histoire-là aussi. Du coup, Théo, vous êtes en ce moment envoyé spécial à Marseille un peu pour tout ce qui est question de transfert, question de droit d'image, voilà. Et bon, comment se passe cette expérience marseillaise, Théo ? Eh bien, tout d'abord, bonsoir Manuel et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'ai regardé les chiffres d'audience avant de venir et j'ai été fortement impressionné. Si bien que là, je viens ici avec un peu le trac ce soir. C'est bien normal. Forcément, puisque c'est ma... On va tâcher de vous mettre à l'aise, mon cher Théo. C'est ma grande première sur cette radio marseillaise. Je ne l'imaginais pas aussi puissante, pour tout vous dire. Alors, depuis que je suis ici, j'ai vu des noms circuler sur l'Olympique de Marseille, bien sûr. Et beaucoup de noms, mais pas beaucoup de transferts qui se sont finalement concrétisés. Donc j'arrive ici finalement avec un certain vide d'informations. Oui, mais pas un vide d'expérience, puisqu'évidemment vous êtes en ce moment immergé dans un journal bien connu des Marseillais, repris depuis peu par un personnage très connu des Marseillais aussi. On voulait un peu avoir des tendances, comment ça se passe avec Nanar. Voilà, c'est ça qu'on voulait nous savoir un peu à des bâtons d'anguirou. C'est un type sympa, c'est... Très, très gentil, très abordable. Ce qui est sympa, très riche aussi. C'est que le premier jour, on était plusieurs stagiaires, en effet, à arriver. Enfin bon, là, je me suis un petit peu trahi, en fait, sur le coup, puisque j'ai quand même la carte de presse. Mais on a un statut à part. On est stagiaire avec la carte de presse, ici à Marseille, il faut le savoir. Et donc, pour la première, il nous a invités au restaurant. Oui. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu régler la note. Et il a peut-être quelques petits soucis en ce moment, de solvabilité peut-être, voilà. Il cherche finalement peut-être à économiser plus ou moins de l'argent. Peut-être qu'il devra d'ailleurs dans un futur proche s'en séparer, mais pour l'instant les informations circulent peu et je pourrais difficilement vous en dire plus malheureusement sur le sujet. Vous interviendrez bien sûr, cher Théo,

C'est un vaste sujet auquel on va un petit peu s'atteler maintenant, mon cher Romain. Mais vous vouliez d'abord nous parler un petit peu de ce morceau, avant de mettre les pieds dans ce débat. Voilà, un morceau qui a été enregistré, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son, qui a été enregistré donc vendredi soir, le 21 juin, pour la fête de la musique, lors de ce festival, ce raout culturel de culture populaire dont nous avons eu droit au Vieux-Port. Donc voilà, avec une présentation de grande qualité, je dois dire, parce que j'étais présent bien sûr et la veille pour les prises de son, les tests, et bien sûr pour le soir. Et puis serrer quelques boulons un peu quand même. Absolument. Mmh. Et Patrick Sébastien, enfin que de gens de grande qualité artistique et voilà, et dont Jean-Pierre Sauzet, dont nous venons d'écouter. Mais qui est ce Jean-Pierre Sauzet, cher Romain de Cuvillier? Eh bien, Jean-Pierre Sauzet, c'est un artiste qui était malheureusement très peu connu l'année dernière, qui a bien heureusement profité du grand buzz internet et qui voilà, qui au jour d'aujourd'hui, en tournée partout en France, à l'étranger, et dont voilà, l'événement dont je vous disais, donc sur France 3, quand même une diffusion nationale, et voilà, France 2, pardon. Et donc voilà. Est-ce que, excusez-moi de vous interrompre. Oui, docteur. Un lien de parenté avec Franck Sauzet? Mais c'est probable, ce footballeur, il me semble. Alors, Franck Sauzet, je pense que Manuel, à qui mieux que Manuel, puis-je poser la question, qui est donc Franck Sauzet était donc un milieu de terrain de notamment de l'Olympique de Marseille, mais qui avait commencé sa carrière un petit peu avant, notamment au FC Sochaux-Montbéliard. Et Franck Sauzet était un milieu de terrain pas très technique, mais à la frappe lourde, et puis surtout extrêmement présent dans l'entrejeu marseillais de la fin des années 80, début 90. Et Franck Sauzet a, en 1993, soulevé la Coupe d'Europe des clubs champions, une des premières Ligues des Champions, telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Franck Sauzet a, du coup, après, après ces années-là, il y a eu quelques petites affaires à l'Olympique de Marseille, dont on ne reviendra pas sur ce sujet-là. Je pense que ça a déjà été débattu ici. Tonton Chris nous en a parlé il y a un mois de ça. Il a immigré en Écosse, un très beau pays, l'Écosse. Discutable, mais... Excusez-moi de vous interrompre. Ah on peut en discuter, mais en tout cas, moi j'ai vu Braveheart, monsieur. Et quand on a vu Braveheart, on pense que l'Écosse c'est un pays. Voilà. Ça pourrait l'être en tout cas. Et donc l'Écosse c'est ce beau pays. Il a joué donc au Glasgow Rangers. Glasgow Rangers, club qui aujourd'hui est tombé un petit peu en disgrâce. Bon, comme quoi ça pourrait suivre Franck Sauzet, c'est ce qu'on se dit, des affaires, des trucs. Les Glasgow Rangers sont tombés un peu en 4e division d'Écosse, qui n'est pas rien quand on connaît déjà la première division du championnat d'Écosse. Mais voilà, les Glasgow Rangers qui furent un très très grand adversaire de l'Olympique de Marseille dans les années 90, fin des années 80, aujourd'hui est un club un petit peu moins prestigieux. En tout cas, Franck Sauzet, certainement un parent de notre ami Jean-Pierre Sauzet. Jean-Pierre Sauzet. Grand interprète. Bon. Alors, football. Pardon. Oui, football. Football et fête de la musique. Le lien avec Franck Sauzet est tout trouvé. Et cette belle soirée présentée par Patrick Sébastien, auquel nous avons assisté avec Théo. Vous avez vous-même trouvé que c'était une belle ambiance. Les Marseillais ont bien festoyé sur le Vieux-Port en ce 21 juin 2013. Ah bah oui, écoutez, nous on était aux premières loges, forcément en tribune de presse VIP, et on a vu, on surplombait un petit peu la foule, et on a pu voir les Marseillais, il y en avait au moins 500 000 selon la police, donc selon les organisateurs, on n'imagine même plus les chiffres. 1,2 million, 1,3 million, c'est ça les chiffres qui ont été lancés. Et on a vu vraiment une foule en délire, surtout devant Zaz d'ailleurs, Zaz qui... Alors Zaz, parlez-nous-en. Qui a deux Z dans son prénom, oui. Comme Zinedine Zidane. Et voilà, on a vu qu'à Marseille, les gens qui avaient deux Z dans leur prénom, ils étaient respectés, et même plus que ça, on les a vus adulés. Tandis que Patrick Sébastien, les initiales PS, Parti Socialiste, on a vu qu'à Marseille, ils étaient légèrement moins bien aimés. Voilà. Parce que j'ai pu. Excellente analyse, Théo. Croquette. J'ai malheureusement ne pas pu assister à cet événement. Je sais qu'il y avait du beau monde, mais j'ai été contraint pour différentes raisons de m'absenter de cet événement. Et j'ai beaucoup de regrets, mais... Le boulot, le travail, vous savez bien que je n'arrête jamais. Ouais, ça, on le sait. Mais c'est la vie, comme on dit. Alors, je discutais avec Fernand Fernandez il y a peu, cher docteur. Ah. Une de vos idoles, on pourrait le dire. Fernand Fernandez se réjouissait de la présence de Patrick Sébastien à Marseille. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et il me disait, j'aimerais que Patrick s'installe à Marseille. Voilà, tout simplement. Qu'on puisse aller au supermarché ou à l'épicerie et dire, mais est-ce que t'as vu Patrick ? Tiens, il y a Patrick. Voilà, des choses comme ça. Il avait envie de pouvoir vivre un petit peu ces moments-là. Patrick Sébastien, qui a d'ailleurs, pendant le show de vendredi soir, déclaré que Marseille était pour lui la plus belle ville de France. Donc peut-être qu'il y a des liens d'amour qui se sont créés finalement entre Patrick Sébastien et la ville portuaire. Docteur, c'est le moment de s'interroger sur les prochaines élections à venir. On se souvient que Patrick Sébastien était, et je profite de l'absence de Brett pour en parler, le président d'un club champion d'Europe. Le CA Brive-Corrèze, champion d'Europe de rugby, désolé Brett. Hein. Brett, tu n'es pas là, voilà. Mais ça me permet quand même éventuellement de m'interroger sur la capacité de notre ami Patrick Sébastien, qui visiblement a esquissé un grand succès, hein, à se présenter éventuellement à la mairie de Marseille, pourquoi pas, puisque, comme on le sait, les présidents de clubs victorieux de Coupe d'Europe ne sont pas légion. Et moi, je verrais bien un petit Patrick Sébastien. Un tandem Patrick Sébastien-Pierre Martinet, peut-être. Et pourquoi pas Pierre Martinet, qui, hélas, avec l'équipe de Bourgoin-Jallieu, n'a jamais remporté la coupe aux grandes oreilles. Enfin, la coupe Heineken. Et donc, bon, pourquoi pas. Après, pour cette fête de la musique, pour reprendre un petit peu sur... Je ne connais pas Zaz, hein, mais je remercie Théo de nous parler de cette chanteuse. Je ne connais pas son sexe. Hein. Voilà, moi je tiens quand même à déplorer l'absence de Michel Sardou. C'est totalement regrettable. Sardou qui sera au Dôme incessamment sous peu, hein, je pense. Oui, mais on pensait que ce serait quand même vraiment la tête d'affiche de Marseille 2013. Ah, Michel. Et là, c'est quand même un coup dur qu'on fait à Michel. Je ne sais pas si c'est récent. Ces récentes prises de position politique, mais tout de même, je trouve qu'il y a un petit peu trop de politique dans ce Marseille 2013. Ça devient vraiment extrêmement sulfureux. Et là, il faut mettre le haut là. Bah, vous, cher Romain de Cuvillier, qui avez quand même vraiment été à l'intérieur de la fête ce soir du 21 juin 2013 sur le Vieux-Port, est-ce que... Alors, j'ai deux questions à vous poser. Ah. La première, c'est... pour rebondir sur les propos du docteur juste avant, l'éviction évidente de Michel Sardou pour cette soirée. Et rappelons-le, pour la soirée de la veille, du grand DJ de grand renom, David Guetta. Oui, alors l'éviction de Michel Sardou et de David Guetta, ça c'est ma première question. Et deux, du coup, la potentielle... arrivée sur Marseille de Patrick Sébastien, sa prise de pouvoir de la cité phocéenne, voilà. On voulait avoir votre opinion sur ce sujet. Je pense que les deux questions sont liées étroitement d'ailleurs, parce que effectivement on perd deux grands artistes très populaires, donc Michel Sardou et David Guetta, qui a quand même dû honteusement se replier au Dôme, qui est quand même beaucoup moins prestigieux que ce grand parc gracieusement offert par la mairie. Et bon, bah écoutez, voilà. Ils se sont rattrapés, d'après moi, quand même. On a eu Patrick Sébastien, Enrico Macias. Voilà. Enfin, voilà. Et Patrick Bruel, n'oublions pas. Il y avait Patrick. Patrick Bruel était là. Patrick. Donc deux Patrick. Ah, voilà. Non, parce qu'on critique, mais il faut aussi saluer les efforts de la mairie. Bon, c'est pas à Montevideo qu'on aurait vu tout ce monde-là. Absolument. Hein. Voilà, faut le dire. On parle évidemment du pays d'Amérique du Sud. Bien sûr, évidemment. Et pas que. Allez, on y va, on dit les choses. Bon, pas que. Bon, je pense qu'on a clos le débat un peu. On a vu un petit foot, peu. Fête de la musique. Voilà. Ce soir, c'est foot champagne. On l'a dit. Ce soir, c'est foot et plaisir. Et qui dit plaisir dit on s'en met un peu plein les poches. Et comment on s'en met plein les poches? On s'en met plein les poches avec la publicité, docteur. Exactement. On s'en met plein les poches avec la publicité, avec notamment de la publicité, les débuts de la publicité. On a trouvé il faut bien rendre hommage à nos collègues qui travaillent aussi. Hein. Donc on a trouvé un site internet avec notre ami Romain de Cuvillier qui s'appelle Vive la pub et qui évoquait en fait ce couple fabuleux qui est celui de la publicité et du footballeur. Ah, vaste sujet. On a travaillé d'arrache-pied toute la nuit, hein, on s'est arraché les cheveux, vraiment, des nuits cauchemardesques pour arriver à vous sélectionner en fait le meilleur de ces publicités. Donc je vais vous lancer une petite publicité. C'est la page de réclame de Des Bâtons d'Anguirou, on va dire. Allez, on vous lance un petit truc. C'est parti. Kick-off de Jean-Pierre Papin. Quelle action ! Jeu superbe, tout part du gardien. Volée extraordinaire, Papin, le roi de la bicyclette. Avec Kick-off, retrouvez les sensations d'un vrai match de football. Kick-off, disponible sur Nintendo et Game Boy, bientôt sur Super Nintendo. Excellent. Excellent. Alors, publicité et joueur de foot, voilà. Est-ce que ça fait bon ménage ? Théo, vous qui êtes quand même un grand amateur de télévision aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Le footballeur est-il bon acteur ? Est-ce que le footballeur est bon vendeur ? Mais j'irais même plus loin, je dirais qu'il y a des bons acteurs et des bons comédiens, même sur le terrain de football. Pensons notamment à Mathieu Valbuena qui est sur le terrain un petit peu comme dans sa piscine et qui est aussi très bon comédien lorsqu'il pose à 80% nu pour vendre ses superbes marques de caleçons hein, qui sont quand même de toute beauté. Hein. Ah, je vois que Romain de Cuvillier s'indigne sur ma gauche. Non, du tout. Non, je pensais plus généralement aux équipes italiennes qui sont aussi très bonnes comédiennes, semble-t-il. Bien, on peut aussi penser, et ça fera plaisir à Théo, supporter d'un club jaune et vert, à Alain Caviglia, qui pour remporter une finale de Coupe de France n'avait pas hésité à plonger dans la surface de réparation, littéralement les bras en avant. Bref, ils sont transformés par Antoine Sibierski à l'époque qui avait permis au FC Nantes de remporter une très belle Coupe de France. Ils sont nombreux, on ne refera pas la liste ce soir, sinon on en aurait pour la nuit, mon cher Manuel. Alors, Croquette, footballeur, publicité, je crois que vous avez préparé le sujet et vous avez un avis tordant sur l'affaire. J'y ai longuement réfléchi. Et j'avoue que je suis toujours assez sceptique dans le concept du joueur qui utilise son image pour se vendre malgré tout. Bon, malgré mon amour pour le football, que je ne cache pas, je garde une réserve sur le sujet. Vous avez un souvenir douloureux, je crois, vous-même, de la publicité. Est-ce que vous souhaitez nous en parler un peu ce soir ? J'ai moi-même pratiqué la publicité pour des sous-vêtements. En tant que footballeur ou en tant que traducteur ? En tant que traducteur. Il y a aussi un créneau, on n'en doute pas, mais figurez-vous que les traducteurs sont sollicités. Et grand bien leur fasse, parce que ce sont souvent des personnes assez négligées. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans ce milieu, mais il faut le savoir. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur la question. Par pudeur, je crois. Ouais. Théo, oui, un petit mot à rajouter. Ah non, rien du tout. Peut-être, docteur, une deuxième publicité à nous passer. Un de nos mentors, peut-être. Je vois que. Je vois, parce qu'il faut quand même un petit peu dévoiler les ficelles de notre émission aux auditeurs. C'est la dernière de la saison. On a un petit écran en studio qui nous permet de voir ce qui se passe en régie. Et. Là, on voit de belles images d'un de nos mentors défile. Alors, bon, peut-être qu'on va vous parler de... On va faire un petit lien. C'est-à-dire que je vais évoquer, en fait, deux de nos personnages importants, oui. Avec toujours une thématique qui nous est chère, c'est celle de l'eau. Ah. L'eau, un de ces éléments sans lesquels la vie ne serait pas possible. Et puis, c'est un élément essentiel au footballeur. C'est un élément essentiel au footballeur, exactement. Ouais. Donc, on y va avec de l'eau. Oh JPP, mais qu'est-ce que tu bois ? Moi ? Je bois de la ceinture. J'adore son goût. Et c'est bon pour la forme. Ceinture ? Mon corps et moi, on adore. Alors, sans transition, je vais enchaîner avec un deuxième opus. C'est parti. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline, elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. évidemment, tout un chacun aura reconnu la voix du célèbre entraîneur de foot que nous n'avons pas choisi de mentionner ce soir. L'entraîneur éponyme. Oui. Pour mieux le qualifier. Mais oui, voilà. Alors, l'eau et le footballeur font bon ménage à la fois sur le bord du terrain et dans la publicité. Romain, ça, c'est un sujet qui vous a intrigué. Mais tout à fait. J'en ai pas dormi de la nuit, à vrai dire. Et je me rappelle, on n'aura peut-être pas l'occasion de l'écouter, le fameux spot de Zinedine Zidane pour la Volvic qui était digne des plus grands chefs-d'œuvre. D'abord le gauche, d'abord la chaussette gauche. Parce qu'avant tout, la publicité, c'est un slogan. Voilà. Ah. On s'en souvient tous, il suffit juste d'évoquer cette petite phrase, un petit geste. Donc voilà, la publicité, c'est un métier, le football, c'en est un autre, mais les deux ne sont pas forcément incompatibles. Voilà, le sujet est vaste, effectivement, on pourrait partir dans beaucoup de conclusions hâtives. Mais nous sommes là pour discuter longuement. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, chers invités et chers auditeurs, puisque vous êtes nombreux à pour l'instant nous appeler, mais on ne peut pas prendre vos appels. Le débat est tellement riche qu'on risquerait de l'interrompre. On voit bien que JPP a été, à juste titre, c'était une star du football français à la fin des années 80. Ballon d'or en 91, peut-être, je ne me souviens plus, mais en tout cas, Ballon d'or, un des derniers Ballons d'or français. Un Ballon d'Or France Football, je crois. Ouais. En tout cas, c'était une star du football et à juste titre, il a été l'objet de sollicitations publicitaires. Par contre, très très peu de l'industrie cinématographique française et taïwanaise, parce qu'on savait qu'il était assez fan de cinéma asiatique, l'ami JPP. Et à l'inverse, d'autres joueurs de foot se sont essayés au cinéma, mais en tout cas, qui veut dire bon vendeur publicitaire ne veut pas dire forcément bon comédien. Ah. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça, chers invités ? Alors, je laisse la parole. Non, le seul exemple, on va parler de... Et de Cantona, forcément. Bah, Cantona, lui, Cantona a fait une petite carrière au cinéma. Voilà. Qui dure toujours. Disons que la blague et le jeu de mots est facile, mais qu'il ne s'est pas cantonné au football. Et bon, il en a beaucoup comme ça. Hein. Voilà. Donc Alors, pour revenir quand même aux deux documents qu'on vous a diffusés, ce héros, cet entraîneur de foot populaire, l'entraîneur éponyme de notre émission, rappelons-la, débattons d'Anguirou, c'est quand même allé à faire successivement une publicité pour une eau gazeuse et pour une eau plate. Ce qui n'est tout de même pas rien. Ce qui n'est pas anodin, je suis assez d'accord. Ce qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on commence par l'eau gazeuse et finalement... C'est un peu comme si c'était de la publicité pour Cronenbourg et ensuite pour Heineken. Bien sûr qu'on ne pourra pas mentionner. Mais bon. Mais effectivement, une nouvelle fois, c'est quand même un entraîneur qui a la capacité à finalement ne pas choisir pour son plus grand bonheur finalement et celui de son portefeuille. Donc c'est pour ça qu'on se permet de ne pas. Il a trahi l'eau gazeuse autant qu'il a trahi la JOCR. En partant finir sa carrière au RC Lens notamment. Donc bon, je pense que c'est un monsieur qui retourne assez facilement sa veste. Voilà. Ah, alors ça c'est intéressant. Ça c'est un débat intéressant. Ah. Les passerelles entre la JOCR et le RC Lens, on n'en parle pas assez, je trouve, dans des bâtons d'Anguirou. On n'évoque pas assez ce sujet. Et bon, Romain, je ne veux pas vous interroger là-dessus parce que je sais que le sujet est sensible. Lance douloureux même. Ouais. Mais on va pas citer la fin de carrière assez piteuse de cet entraîneur au RC Lens, on va pas en parler, mais Croquette, vous auriez votre mot à dire là-dessus, vous. Oui, évidemment, ayant vécu à Lens, parce que vous savez qu'un traducteur aussi une carrière forcément on ça se déplace, débat, oui, on oui, se oui, déplace. Oui, oui, oui. Et le RC Lens, forcément, enfin, la ville de Lens était un haut lieu de la traduction, comme chacun le sait. Donc j'ai dû y passer. C'est vrai que le sujet m'a intéressé. Mais le monsieur en question, dont on ne mentionne pas le nom, même si on sait qui il est, oui. Sûrement a eu ses raisons de faire ce déménagement, et peut-être même pour des raisons familiales. J'imagine. Docteur, bon, le sujet de la publicité, on va le clore avec le King, je crois, parce qu'on était obligé de parler d'Eric, qui sera, on l'annonce déjà pour nos auditeurs de débat, nos fidèles auditeurs de Débattons en Guirou, un des premiers invités de la saison 2013-2014. Voilà. Eric a beaucoup insisté pour être parmi nous, probablement au mois d'octobre, voilà, on le dit déjà. Probablement au mois d'octobre, par le truchement du shérif qu'on salue ce soir, hein, qui devrait arriver, mais qui, pour l'instant, n'est toujours pas là. Et bien, on a réussi à voir finalement en avant-première, à Radio Galère, le King, Eric Cantona, qu'on écoute parce qu'il a des choses à dire. Allez. Le King, allez, on t'écoute, King. Je m'appelle Eric, moi de même. Moi, j'ai la peau sensible. Pour moi, c'est la planète qui est sensible. Moi, je me rase avec le bic une lame. Et moi, avec le bic, trois lames. En plus, maintenant, le bic me les recycle. Et moi, je m'appelle Cantona. Et alors? Et moi, je suis célèbre. Et moi, je suis responsable. Les rasoirs bic deviennent enfin recyclables. On va pas se battre entre eux. Bonjour. C'est excellent, ça, cher docteur, parce que quand on a préparé cette émission, là, vous nous avez un peu piégé, vous nous avez un petit peu surpris. Oui, surpris, puisque quand on a préparé cette émission le mois dernier, vous aviez prévu de passer cette publicité où Eric Le King était en scène avec son frère Joël, le orange et le vert, et puis finalement vous avez passé à la version 2.0, on va l'appeler comme ça, de la publicité Bic. Celle des deux Eric à deux époques différentes. Ben oui, ça c'est mon côté un petit peu facétieux toujours. Hein. De toute façon, on est là pour surprendre, on est là pour divertir, pour informer surtout. Ça c'est important. Informer sur, sur le développement durable. Et qui mieux que notre ami Eric Cantona peut œuvrer pour le développement durable. Rappelons tout de même, et nous aurons l'occasion la saison prochaine d'en discuter avec lui, qu'Eric Cantona est tout de même très probablement la personne qui a failli faire chavirer le capitalisme il y a quelque temps en proposant finalement de retirer ses économies à la banque. Hélas, la proposition d'Eric ne fut pas suivie d'effet. Bon, ça peut arriver à tout le monde finalement de trembler un petit peu devant l'immensité des événements. Mais bon, on ne va pas non plus jeter la pierre à Eric, on lui la pierre, parce que sans pierre, point de briquet, et de bic il s'agit. Donc, voilà, c'est pas non plus le jeu de cette émission, mais on aura l'occasion de voir ça avec Eric quand on le recevra. Voilà, moi il y en a dans cette émission qui apprécient beaucoup le King, il y en a d'autres pour qui son itinéraire est un petit peu discutable. Voilà, moi je suis un petit peu entre les deux. Le King m'amuse parfois, le King me fait moins rire quand il joue des vrais rôles au cinéma. Je suis un petit peu partagé sur le King. Moi, le King ne m'a absolument pas donné envie de me raser avec des rasoirs bic. C'est finalement ce que je retiens de cette vidéo. Et je ne sais pas si vous, Manuel, qui vous rasez tous les jours de très près, pensez la même chose que moi. Moi, en fait, c'est assez simple. De toute façon, le King, pour moi, c'est le joueur de foot par excellence. Je ne suis pas du tout de la génération Maradona, je ne suis pas de la génération Platini, je suis juste après. Et pour moi, le King, c'est le football champagne. C'est le joueur qui va pouvoir amener une talonnade et une aile de pigeon là où c'est pas forcément nécessaire. Et il va être capable d'enflammer des stades sur ce genre de geste-là. Bon, alors après, là, je parle de football. Le personnage est, lui, évidemment plus contrasté. Le docteur l'a assez bien évoqué. Et je ne sais pas si vous avez un avis, Croquette, sur ce... Moi, je me dis que c'est une personne qui, s'il était né dans le sud-ouest, aurait pu faire du rugby aussi. Probablement. Qu'il aurait eu sa place dans ce une milieu-là. Une sorte de truculence, vous voilà, voulez dire. Voilà, oui, c'est ça. Comment on dit truculence dans la langue de Shakespeare? C'est aussi simple que ça, on dit truculence. Yes, of course. Forcément, bon, ça marche, c'est jamais aussi simple, hein, mais... La traduction la plus évidente est celle-là. Très bien. Voilà. Et du coup, j'aime bien dans le football comme je l'aurais aimé dans le rugby. Alors, pour continuer cette émission, on va tenter de la continuer un petit peu en musique et vous parler d'un groupe qui a fait les belles heures des baloches, ou pas que des baloches, des booms, on va dire, des booms d'adolescents dans les années allez, 80. Le shérif n'est pas là pour nous expliquer la musique, alors on est obligé de faire sans lui. On salue le shérif d'ailleurs, docteur. Le shérif n'a pas pu se présenter ce soir, je crois que maintenant il ne viendra plus, mais c'est lui d'habitude qui fait l'effort musical, et donc ce soir on agit sans lui. Ce groupe, c'est Elmer Footbeat. Croquette, vous l'avez bien connu puisque vous avez vous-même pas mal écumé les baloches de la banlieue parisienne. Alors c'est un groupe nantais, voilà, on va pas tourner autour du pot. Un groupe qui sait manier la langue de Molière avec talent, disons-le. Et c'est un groupe qui aussi sait parler de choses crues, mais de manière assez festive. Avec délicatesse. Avec une certaine subtilité, oui. On doit le dire. Je vais pas m'étendre sur le nom Elmer Footbeat qui pourrait amener aussi des questions de traduction assez, évidemment, assez poussées. Mais c'est un groupe de talent. En tout cas, c'est un groupe nantais, je le disais. On a eu une émission assez glorieuse il y a peu de temps consacrée au FC Nantes. On ne va pas en rajouter une couche. En tout cas, on signale à nos amis supporters de football que le FC Nantes rejoint la Ligue 1 l'année prochaine et qu'on en est tous ici à débattre dans Guirou plutôt contents. Ce groupe a commis une chanson qui s'appelle du Rififi dans la surface. Je ne sais pas si en technique on est capable de vous la passer, docteur, dites-moi. Oui, on va essayer de vous la passer. Alors c'est compliqué hein, ce soir hein, parce que là j'ai vraiment le cul entre deux chaises, j'essaie de faire mon possible. Oui. Et j'essaie de vous envoyer ça. On y va, si jamais ce n'est pas ça, on reviendra à l'antenne. Allez, bonne chance à tous. Bien tes passes, petit gars, tu vas faire du dégât. Voilà un très très beau morceau d'Elmer Footbeat. Vous connaissez un petit peu ce groupe, Romain de Cuvillier ? Bon, de vue comme ça, vite fait. Bon, bah, ce grand tube Daniela, qui est bon, quelque peu prude, mais tout de même assez intéressant musicalement. On a vu quand même dans le dernier couplet de cette chanson qu'ils étaient capables de revenir à des questions un petit peu prudes. Voilà. Voilà. Aussi. Bon, après, musicalement, rien à redire. C'est excellent. La mélodie est originale, il faut bien dire. Puis c'est quand même un groupe qui a bercé un petit peu nos enfances. Quoi, tout à fait. C'est Luis en croquette, vous avez emballé sur cette chanson, vous. Et ça a pu m'arriver. En troisième mi-temps. Exactement le prénom de la personne, malheureusement. Mais c'était une belle femme. Ni son pédigré, d'ailleurs. Ni son pédigré. Ah, mais bon. Bon, alors... On enchaîne parce qu'on a plein de trucs à vous raconter, chers auditeurs, d'ici la fin de cette émission. Énormément de sujets à venir. On va être pris par le temps d'ailleurs, mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Qui dit football, fête, champagne et humour, dit poker. Absolument. Romain de Cuvillier, vous-même, vous n'êtes pas bookmaker, mais vous organisez de temps en temps, chez vous, au Débeauté, quelques petites soirées poker. C'est vrai que c'est un peu... On dit que je suis un peu original à ce niveau-là parce que j'ai une petite passion pour le poker et vu que c'est pas encore un truc qui a encore marché vraiment... Qui n'est pas celle du docteur, hein, je crois. Non, je m'inscris en faux totalement contre ce jeu qui représente un petit peu toutes les dérives de notre début de millénaire, à savoir des gros beaufs de 30 ans qui s'amusent à passer le temps en fait en jouant de l'argent. Vous êtes en train de traiter monsieur de Cuvillier de gros beauf Je pense qu'il est bon d'être beauf à certains moments. Non, voilà, bien sûr. Et qui s'amuse donc à essayer comme dirait Pierre Perret, on est toujours le beauf de quelqu'un. Et en essayant de fumer l'autre. Bon, voilà, très bien. C'est l'argent qui les excite en plus. Bon. Il serait bon que vous rencontriez le Vicomte sur ce sujet, puisque vous avez déjà rencontré le Vicomte à maintes occasions. Excellent commentateur de football, on l'a vu récemment. Qui lui-même a quelques théories sur le poker. Du même style que les miennes Qui sont relativement, on va dire... On a un nouvel intervenant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ce soir, on a du neuf. On a qui ? On a Redouane, le magnifique Redouane arrive en studio. Magnifico Redouane ! Bonsoir Redouane. Aïe aïe aïe. Ah, très bien. Alors ça c'est bien, ça va donner un peu de piment à cette émission, qui n'en manquait pas, mais ça va en rajouter. On va continuer sur le sujet poker. Pourquoi, cher Romain, vous vouliez évoquer le sujet ? Non, tout simplement parce que moi, le poker, j'aime tout ce qui n'est pas trop connu, trop à la mode. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me mettre au poker, en fait, pour essayer de faire connaître ça ici, dans la cité phocéenne. Bon, alors, c'est vrai que ce n'est pas non plus une pratique que j'ai vraiment hebdomadaire, mais on essaie de créer avec les copains, comme on dit, voilà, des petits moments de détente, en fait. Où on peut effectivement masculine, virile, très viril et qui change un peu du football, voilà, le poker. C'est ça, voilà, se voler un peu d'argent entre amis, c'est ça, quoi. Voilà. Et c'est passionnant. Alors, on avait quelques. Bon, d'abord, maintenant que Redouane est installé, on peut se dire bonjour correctement. On peut représenter magnifique Redouane aux auditeurs. Magnifique Redouane a été un de nos plus beaux commentateurs cette année, en dehors de Magic, évidemment. Aïe, aïe, aïe, il magnifico. On en tremble. Et je pense que les auditeurs là vont se ruer sur le standard en se disant qu'il magnifico est de retour. Est-ce qu'on peut peut-être appeler le numéro de téléphone ou... Ah oui. Éventuellement. Ah, oui, bien joué, Croquette. Oui. Parce que pour l'instant, la sélection a été difficile. Hein. On a un standardiste qui tient la dragée haute un petit peu à ses intervenants. Et donc, les auditeurs qui pensent qu'ils ont des choses extrêmement intéressantes, éventuellement plus intéressantes qu'une autre à dire, peuvent toujours essayer de nous contacter au 04 91 08 28 10, voire au 04 26 78 12 85. Ou taper football au 36 46, il me semble. Oui. Alors, merci docteur, merci cher Romain. Redouane, bienvenue sur ce plateau. Vous connaissez tout le monde, évidemment, Croquette, Théo, Romain de Cuvillier, tout le monde est là. Vous savez que ce soir le thème c'est football champagne, football humour, clin d'œil aux anecdotes footballistiques, et vous n'êtes pas venu les mains vides, je crois savoir. Alors c'est football déconne, donc oui je suis venu les mains vides justement, et pour parler d'une petite anecdote, moi je préfère les petits trucs sordides. Oui, allez-y Redouane, on vous écoute. J'ai pas envie de couper. couper l'envie à tout le monde de parler de football, mais c'est... Non, mais on était dans le sordide, dans le poker, allez-y, continuez. Ouais, poker, c'est pas mal. Juste, moi, je voudrais juste rajouter un petit truc sur le poker. Faites attention, les amis. Faites attention, les amis. Hein, le jeu peut entraîner à l'isolement et... La dépendance. La dépendance et la dette, surtout. La destruction de vos foyers. La toxicomanie, ensuite, la gerbe. Donc, faites gaffe, quoi. Faites gaffe avec le poker, c'est super dangereux. Le foot. Oui, Redouane, le foot. Vous pratiquez vous-même le football, Redouane. J'adore le foot. J'adore le foot. Je suis un malade du ballon. Voilà, mais pour le plaisir, bien entendu. Hein, c'est le sport universel, le combat du terrain, la conquête du phallus. Parce que sport à dominante masculine, quand même. Oui, hein. Bien que depuis un an ou deux, on sent une véritable tendance au développement médiatique du football féminin. Bah alors, je pense que ça doit aller de pair avec la féminisation de la société, ce qui n'est pas plus mal. Bon, bah, moi, je suis pas trop fan de voir... Pardon ? Oui, je suis pas trop fan de voir des nanas jouer au foot. J'ai envie de me faire huer ce soir. Allez, docteur, allez-y. Oh. Faites-vous plaisir, cher docteur. À vous de jouer. Oh, y a, vous filez un mauvais coton, Redouane, un mauvais coton. Et je m'en doutais. Cette posture ne vous honore pas. Bon, je ne vais pas non plus me prêter un lynchage en règle. Je vous demanderai juste un petit peu de corriger vos propos, étant donné le public qui nous écoute, des gens qui ont soif finalement de justice sociale. Absolument. Qui ont soif de tolérance. Et ce type de propos me gêne un petit peu. Bon, mais voilà, c'est libre à vous. Alors, je rectifie et je dis... J'éprouve plus de plaisir dans le sport en général à regarder des beaux mecs. Ça passe mieux comme ça ? Bah, évidemment. Vous faites une sorte de coming out footballistique. Évidemment, Redouane, un coming out footballistique et sportif. C'est très beau. C'est très beau. Et on aime quand les gens, nous, s'améliorent au cours d'une émission des bâtons d'Anguirou. On aime que les choses comme ça prennent une place un peu plus correcte dans notre ligne éditoriale. Je suis un grand fan de Thiago Silva et... J'aimerais rappeler l'affaire Thiago Silva. Qui joue dans quel club, Redouane, rappelez-nous. Le club de la capitale, il me semble. Hein, je ne me ferai pas avoir ce soir. C'est pas la capitale de la culture, non. Bien tenté. Non. C'est la capitale, la vraie. La capitale la ville, du pétrole. La ville lumière. La capitale du pétrole, c'est ça. C'est Abu Dhabi. Non, bah, c'est Dubaï, ça. Bon, bah, c'est bon. Peu importe. Et donc, oui, pour en revenir à mes propos un petit peu douteux... Hein, sur le sport en général. Non, moi, je voulais revenir en fait sur le tweet. Ah. Cette folie du tweet et la manière dont les joueurs professionnels sont accaparés du truc. Et voilà, comment c'est devenu en vogue. Alors, quel tweet vous a particulièrement marqué? Vous parliez de Thiago Silva. Rappelez un petit peu cette affaire de Thiago Silva et notamment de Joey Barton. Une belle affaire. Celui de Joey Barton qui. Tout le monde n'est pas au courant, peut-être, mon cher Edouane. Qui a eu des propos très, très diffamants à l'égard de Thiago Silva, lui infligeant le doux soubriquet de Ladyboy. C'est vrai, au moins autant que vous pouvez avoir des propos déplacés à l'égard des femmes qui jouent au football. Oui. Ben moi, je parle surtout de plaisir. Hein. J'adore voir des cuisses bien musclées, des mollets très tendus. Et saillants. Avec Sonia Bonpastor, vous serez servi, je peux vous le garantir. D'accord. Oui, je prends. Hein. Je vois Théo qui prend la parole et je crois que pour revenir au sujet du poker, il avait une petite anecdote un peu croustillante, il me semble. Alors oui, pardon, excusez-moi d'un petit peu remettre de l'ordre dans ce débat. L'arrivée de Redouane nous a tous un peu chamboulés, mais en bien d'ailleurs, oui. Puisqu'il nous fallait un peu de renouveau dans cette émission. On parlait poker, Redouane, vous allez pouvoir, j'imagine, amener votre... vous l'avez déjà fait, votre pierre à l'édifice. Mais Théo avait une anecdote à nous raconter qui liait un peu tout ce qui fait notre émission, c'est-à-dire le plaisir de parler de Bernard Tapie, le plaisir de parler de football et le plaisir du jeu. Théo, on vous écoute. Bah oui, bien sûr, puisque quand je suis arrivé dans ce grand journal marseillais, après mon dîner d'affaires avec M. Bernard Tapie, qui n'a d'ailleurs pas voulu payer la note, nous avons, entre nouveaux arrivants et avec le grand patron, joué au poker. Mm-hmm. Alors la partie se déroulait plutôt bien pour lui. jusqu'à ce qu'il soit mis en difficulté. Et à ce moment-là, un collègue était en tête, dominait la partie de la tête et des épaules, hein, comme on dit partout en France, pas qu'ici. Et alors, sur un coup de tête, il a tenté un coup. Finalement, il a dit, bah, écoutez, je vais faire tapis. Et, excellent. Ça nous a tous surpris. Ah ben, excellent. Redouane, vous étiez là ce soir-là ou... Non. Moi, je joue que de manière occasionnelle. Hein. Je suis un fanatique en devenir, je pense. Je commence à devenir bien accro au jeu. Et je sais pas, c'est l'excitation des jetons, ce bruit... Ouais, le poker m'excite. Croquette, Romain, un commentaire sur cette affaire? Non, pas nécessairement. Ou pas, bon. On en a fini de ce sujet, alors, je crois, cher docteur. Du poker? Ça ne pose aucun problème. Je crois, Redouane, non. Je suis content que le poker ait ce genre de destin-là. Ouais. C'est un autre sujet, c'est bien que finalement on en parle peu. Ça fait partie, hélas, effectivement, des sombres passions très souvent associées au football. En général, on parlait de ces logiques machistes dans les deux domaines. Donc voilà, c'était bien d'évoquer en fait le lien entre les deux. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer, chers auditeurs, pour la suite? Alors, moi, j'ai bien envie, étant donné... qu'on invite ce soir monsieur de Cuvillier, de vous passer une petite bande-son. C'est une bande-son, un teaser d'un film qui s'appelle « À mort l'arbitre » de Jean-Pierre Mocky, dans lequel on peut reconnaître éventuellement un éventuel sosie de Romain de Cuvillier. Je vous lance ça. Merci. Alors pourquoi tu viens pas vivre avec moi à Paris? Je repartirai à zéro. Si je repars à zéro. Excellent film de Jean-Pierre Mocky où l'on reconnaît, pour ceux qui le connaissent, Romain de Cuvillier dans un des premiers rôles. C'est un très beau film dont Fernand Fernandez, d'ailleurs, a souhaité nous parler dans la dernière émission, mais il n'a pas eu le temps. Ah, bon, voilà. Quel dommage, j'aurais aimé avoir l'analyse autant couleur, autant son aussi de notre ami Fernand sur un film qui effectivement, dans les deux catégories qui sont les miennes, celle de lamentable et d'excellent, serait bien sûr à placer dans la catégorie excellent. J'imagine, excellent, cher docteur, que À mort l'arbitre, Michel Serrault, Eddy Mitchell, Carole Laure, alors là, moi j'éructe. Alors, une belle brochette. J'avais envie, et excusez-moi, cher Romain de Cuvillier, pour les 5 minutes à venir, de parler football. Une fois n'est pas coutume, dans cette émission, on va un peu parler de foot, puisqu'on avait sur ce plateau deux grands spécialistes, un spécialiste du football anglo-saxon et un spécialiste du football en général, d'évoquer les enjeux de la prochaine saison, cher docteur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Combien ? Croquette, qu'est-ce que vous pensez de la saison qui s'annonce, Mr. Premier League? Alors, je pense que Manchester va faire un carton. Excusez-moi de vous le dire, mais bon. Lequel Manchester? Parce qu'il y en a deux. Bon, est-ce qu'on parle nécessairement de Manchester United ou Oui, j'imagine que dans votre bouche, c'était forcément voilà, de United c'est ce que j'en parlais. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez excellent qui va se passer de ce côté-là. Genre une coupe aux grandes oreilles. Oh, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et quelques millions à la clé pour ces fameux joueurs qui ont le bénéfice de... Vous n'avez pas un peu peur du départ de Rooney dans le club de la capitale Vous savez qu'il va être peut-être transféré dans un club français. Vous connaissez le nom de ce club, non? Est-ce que ce ne serait pas le Sochaux un peu plus et on sent que vous êtes un peu moins aisé sur le football français. Alors, oui, malheureusement, à ce propos, moi j'ai des informations sur le sujet et il semblerait que ça ne soit pas un club français mais le FC Cluj en Belgique qui est proposé. En Belgique. Cluj en Belgique, vous êtes sûr, cher Théo? Eh bien écoutez, non, je dois avoir un doute. Ce serait plutôt du côté de la Roumanie, je crois. C'est ça, voilà. À moins que ce soit Bruges et qu'il y ait deux lettres qui est fourchée. C'est le B et le C, là, dans l'alphabet, ils sont très proches et comme on pèse tout ce qu'on dit, finalement, ici, c'est. On pèse tout ce qu'on dit. Redouane, la saison 2013-2014 s'annonce comment pour vous? Alors on parle de quoi là? On parle de football. Football français ou football européen en général? On connaît l'étendue de vos connaissances sur le sujet. Voilà. Arrêtez de nous faire croire que vous ne pouvez parler d'une petite partie du monde. On sait que vous pouvez parler de tout. Je pose juste la question et moi ce qui m'intéresse c'est en termes de Ligue des Champions et là où je ne suis pas d'accord... Avec Croquette avec, c'était Croquette, ouais. Ouais. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que pour moi, on est rentré dans un cycle où les équipes allemandes vont être dans un cycle de domination, au moins jusqu'à la Coupe du Monde. C'est ma prévision. Voilà. Après, moi, je vois mal les équipes anglaises qui seraient les seules à pouvoir concurrencer, puisque le foot espagnol est plutôt en crise. Il y a un relent d'orgueil chez les Italiens, avec notamment une équipe comme la Juventus qui est en reconstruction, avec un très bon entraîneur, Conte. Mais on peut voir que le Bayern est fortement structuré. De plus, ils ont effectué un recrutement, et pas des moindres, je dirais avec le meneur de jeu de Dortmund, enfin l'ancien meneur de jeu de Dortmund, en l'occurrence Mario Götze. Et peut-être Lewandowski, est-ce qu'ils vont réussir à... Je pense pas, ce serait un petit peu trop. Il y a une petite logique dans le football allemand qui veut que le marché des transferts ne soit pas non plus trop déraisonnable. Quoi. Mmh. Donc ils ont cette rigueur dans le foot, ils n'ont pas des actionnaires ou des familles du pétrole qui régissent cette affaire. Et moi je trouve qu'ils mènent plutôt bien leur barque. Et je pense qu'on va les voir encore un petit peu, minimum, jusqu'à l'objectif, c'est de travailler pour toutes ces équipes, également la Coupe du Monde. Hein, et notamment les meilleurs joueurs qui évoluent à ce niveau-là seront présents certainement pour 2014 et la fête au Brésil. Bon, bah alors vous en parlez, mon cher magnifique. La fin de la saison 2013-2014, ce sera au Brésil, ce sera la Coupe du Monde. Rapide tour de table. Ce sera sur Radio Galère, bien sûr. On va vous en parler pour les 5 dernières minutes de l'émission avec Romain de Cuvillier. Un rapide tour de table. Votre favori pour la Coupe du Monde 2014, Théo? Mais écoutez, je n'avais pas encore réfléchi à la question. Je serais finalement assez d'accord avec Redouane pour dire que l'Allemagne, à un an de la prestigieuse compétition, a de fortes chances de l'emporter, hein, ou du moins part dans les favoris. L'Espagne, on les attend, on se demande finalement toujours quand est-ce qu'ils vont mourir, et ils ne meurent jamais, donc pourquoi ils ne rempliraient pas pour une compétition de plus. Et puis bien sûr on a la France avec Didier Deschamps et puis des joueurs comme des flèches montantes, hein, comme Cocorico. Il faut bien bien sûr. C'est tout, voilà. J'ai pas étudié le sujet suffisamment, finalement. Croquette, un favori? Alors, bon, c'est pas tellement une question de favori, c'est plutôt une question de goût personnel. Et je crois que j'ai envie que les îles Féroé l'emportent. J'aimerais beaucoup. Mm-hmm. Je leur souhaite bonne chance, d'ailleurs, par la même occasion. Romain, un petit favori pour la Coupe du Monde au Brésil, oui, auquel vous serez convié avec nous, puisque là, on aura moyen illimité. La part de Radio Galère. Eh bien, je pense qu'à l'étonnement de tout le monde, ce sera la Roumanie qui va réussir cette année à se démarquer. Voilà. C'est mon avis visionnaire, je pense. Mais... Avec les joueurs de Cluj ? Absolument. Moi, je passe très vite la parole parce que je pense que c'est toujours le Mexique qui gagnera la Coupe du Monde ou l'Écosse, mais l'un ou l'autre. Voilà. Redouane ? Moi, je pense que c'est une nation africaine qui va gagner. Ah. Alors, j'hésite un peu entre le Maroc et le Ghana. Ghana, que voilà, une équipe très très plaisante, physique, technique, et bah, j'espère que le football africain va sortir un petit peu de ce néant, de ce désastre et de cette corruption qui tue les clubs et les joueurs, ce monde un petit peu, quoi, parce qu'on a de superbes athlètes là-bas et j'aimerais bien les voir briller. Eh bien, moi, Redouane vient de m'arracher quasiment une larme en parlant du Ghana, car effectivement, je me souviens avec beaucoup d'émotion de cette campagne 2010 où de manière terrible, l'Uruguay avait hélas arraché sa place avec l'infâme Suarez. En demi-finale par le biais de l'infâme Suarez, et auprès d'une main dans la surface et d'une joie absolument mal placée par la suite. Et donc voilà, j'aime le Ghana, mais je pense que là c'est l'Uruguay qui une nouvelle fois va s'imposer au Maracanã comme en 1950, et voilà, ce serait un bel écho finalement aux mouvements sociaux qui se déroulent en ce moment au Brésil, et qui montrent bien finalement que cette Coupe du Monde, il faudra aussi qu'elle fasse écho à autre chose qu'au football. Bon, très bien, on en est au moment de conclure. Pas vraiment encore complètement, chers auditeurs, rassurez-vous, puisque je sais que vous goûtez comme nous à l'esprit de cette émission, un esprit champagne, un esprit fiesta. Romain, pourquoi parlons-nous de cette Coupe du Monde 2014 ici, ce soir, dans Débattre en Guirou ? C'est parce que on avait envie d'évoquer un peu avec vous le programme de l'année 2013-2014 de Débattons dans Guirou, qui sera vraiment conséquent. On l'a dit déjà, on aura Eric Cantona avec nous sur ce plateau. On sera au Brésil environ 2 mois, je crois, docteur. On n'a pas pris des billets encore, mais on sera au Brésil à peu près du 20 mai jusqu'à la mi-juillet, hein, c'est ça ? Normalement, oui. Normalement, on a 2 mois. Bon, ça va dépendre de la mousson. Ce qui peut être avec le phénomène El Niño, bon, voilà, on ne sait jamais trop ce qui va se passer au niveau des vols, notamment le vol Paris-Rio, qui est toujours, voilà, qui est toujours problématique. D'ailleurs, on aura une intervention de notre ami Adrien Absolu qui s'est penché sur ce vol Paris-Rio et qui détaillerait en fait les problématiques liées à cette traversée finalement du triangle des Bermudes. Mais bon, je vous laisse nous dévoiler finalement le reste du programme. Vous couvrirez, j'imagine, l'ouverture du stade Vélodrome avec son nouveau toit. Bah, évidemment, évidemment. Là, c'est à côté de chez vous. Ça, c'est bien sûr. Bon, mais il est bon de toute façon, une partie des financements de la mairie de Marseille nous a été attribué, c'était compris dans l'enveloppe. J'ai envie de dire, Manuel, au risque de vous couper, y a-t-il besoin de le couvrir ? Oui, oui, oui. Oh, excellent. Ça, c'est excellent. Merci, docteur. Du coup, on disait pour 2013-2014, on aura énormément de sujets. On va parler d'histoire, bien sûr, avec vous, docteur. On va parler... aile de pigeon avec Brett, on va parler banane avec le shérif, ça va être excellent, une belle saison qui s'annonce, tout ça pour nous cheminer petit à petit vers cette Coupe du Monde au Brésil, mais aussi Débattons dans Guirou va devenir un peu producteur d'événementiel, et c'est là que vous intervenez, Romain de Cuvillier. 2014, ce sera l'occasion pour nous d'organiser le premier grand festival de foot. Grand festival qui se passera aux grandes dames de tous, au parc Borély. Oui, tout à fait. En association avec la mairie, bien entendu. Oui, voilà, qui va nous octroyer une enveloppe d'à peu près 1 million, 1,5 million, hein, je crois. Oui, enfin voilà, c'est encore en discussion, mais oui, je pense que l'événement sera, voilà, va faire du bruit. Alors, et je l'espère. Au cours de ce festival de foot, il y aura de très beaux événements. Redouane, je suis sûr que vous allez aimer. Il y aura un grand tournoi de football à 3. Vous avez déjà participé à cette expérience, je crois. J'adore le football à 3. Je trouve que ça va révolutionner le football et même les professionnels vont l'adopter. Ouais. Très bientôt. Ça va être très beau. Donc un grand tournoi avec de nombreux prix à la clé. Il y aura éventuellement une remise en question de la Coupe du Monde de Babyfoot en or, j'imagine, docteur. Bon, j'espère bien que cette fois-là, je vais l'emporter. Ouais. J'étais absent lors de la première. Hélas, en voyage d'affaires en Albanie, oui. Donc forcément, un peu toujours sulfureux, mais j'espère bien la gagner celle-là. Ouais. Pendant ce festival du foot, il y aura du spectacle vivant. On l'annonce tout bonnement parce qu'on aura le budget pour le faire, donc on le fera. Vous rappelez les dates ? Alors les dates, ce sera pour l'instant, on ne peut pas vraiment être précis, cher Redouane, mais ce sera au courant du mois de mai. Donc, 2014, d'accord. Juste avant la Coupe du Monde. Donc de la danse, de l'art contemporain, du cirque, du théâtre, de l'art de rue, du trampoline, de la littérature, j'espère. Bah, j'imagine que vous n'allez pas refuser, cher Croquette, de prendre la programmation du volant littérature, d'intervenir, littérature anglophone du festival de football des bâtons d'Anguillou. Avec plaisir. Et on aura un groupe qui sera le groupe phare. Mon cher Romain de Cuvillier. C'est un groupe qui monte en flèche depuis plusieurs mois sur la cité phocéenne, d'ailleurs écoutez, moi je pense que le mieux qu'il y a à faire dans les quelques minutes qui suivent, c'est de l'écouter, ce groupe qui s'appelle Postcoitum, qui est en duo donc avec Damien Ravnich et Bertrand Wolf. Donc deux artistes marseillais qui se font plaisir, qui nous font plaisir avant tout. Alors, je crois juste qu'il ne faut pas qu'on oublie la chronique du fameux docteur Le Man. Je ne sais pas dans quelle heure ça doit se produire, mais... On va rectifier l'heure. Bien sûr, non, mais je profitais de l'occasion pour mettre l'eau à la bouche. Mmh. Voilà. Mais vous avez bien fait. Rappelez-nous un peu ce projet Postcoitum, un peu ce que c'est. Qui sont les membres C'est ce que je viens de faire, monsieur. Oui, mais vous l'avez très rapidement, très rapidement. Mais vous pourriez le faire un petit peu mieux Effectivement, j'en parlerai justement peut-être juste avant de l'annoncer, si nous passions... D'accord, très bien. Bon, cette fin d'émission nous échappe. Alors, Docteur Le Man. À chaque fois, une émission de débattons d'Anguirou, chers auditeurs, vous le demandez. D'ailleurs, là, le standard explose. Pour ça, quand est-ce qu'on va voir la chronique du Docteur Le Man ? Eh bien, c'est maintenant. Oui. Cette chronique s'intitule « Champagne ». Avant, on disait une partie de football. Avec le soleil, on dit une partie de boule fat. Marseillaise en ligne de mire, Driss maligne, Meuse et Rimmel. Du spectacle, du champagne et une piédaliste diabolique comme oraison de cette année funèbre où capital s'est conjugué avec capital, non pour la culture en PACA, mais pour le titre en IDF. Voilà de quoi ravir les auditeurs, discrètement nostalgiques, de DBDLR, des bâtons dans les roues. Si la fable fat m'était contée, j'aimerais que son rouage ne déplume pas mon fromage. Comprendre un statut d'intermittent de 15 minutes, sans passer par la case bestiaire, le temps de tronçonner un... le temps de tronçonner un twister en un coup de cuillère à peau, l'emploi, s'envola comme la feuille rose des matins moroses, qu'ainsi font les tourbillons des fois. Fou, à bout, caillou, jeu, nous, paillou. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin le jaune boue. Champagne, tu nous as quittés trop tôt. Sont-ce les cieux, trop cléments, qui t'ont évaporé? L'estac s'est envolé, le stade de Reims s'est gobelé. Derrière nous, les vendanges, verts rocheteaux, sont retrouvés à un, deux ou trois sur son cheval, suit Troyen de campagne électorale, Fatou fait son barouin, erre, père aux jeux à boire, hume paix et anime foire, rit Gaulle dans le raisin. Est-il trop plein, ce plateau d'argent ? Et la coupe est si pleine qu'il esquive du panier percé et ruisselle en courjus. Les dubous sont joints, les fils inversés. Fat concocte un faux contact. Ce qu'il mijote à l'air bon, champagne, bouchon, balles et bulles, billes et boules, belles et buttes. C'était tout ça, c'est très bien tout ça. C'était magnifique. C'était excellent. On vous applaudit. Allez, voilà. Ouais, on applaudit. On l'a très peu fait cette année, docteur. Et pourtant, vous avez officié en chaque fin d'émission un peu pour. Juste un petit mot. Ça oui, me fait penser croquette. Qu'à l'occasion, il faudrait inviter notre ami poète qui vient de Toulouse, enfin, accessoirement, Monsieur Delors, qui, je pense, pourrait faire une chronique de la même teneur, ou en tout cas de... L'homme d'Erasmus, hein, c'est ça. Hein, Mister Erasmus a été déjà invité plusieurs fois, et hélas, pour l'instant, il n'est pas prêt. Mais nous espérons, bien sûr, l'avoir comme invité. Il viendra, j'en suis sûr. Officiel pour l'année prochaine. Oui, moi, j'aimerais engager le débat, hein, finalement, avec la... C'est un peu tard, cher Théo, puisqu'il faut conclure. Mais finalement, il n'y a pas de débat. Pour ma part, c'est simplement pour dire que finalement, on ne peut pas le contredire. Ses propos sont tellement cohérents qu'on tombe forcément d'accord avec ce qu'il dit. Il met tout le monde d'accord. Voilà, je voulais conclure comme ça, voilà. Alors, on va conclure maintenant, puisqu'il le faut. Je sais bien, chers auditeurs, vous êtes triste puisque des bâtons en guirou va s'arrêter pendant 2 mois. Mais on va en faire des annonces. D'abord, celle que Redouane sera avec nous très régulièrement à partir de septembre 2013. Tout à fait. Je serai présent donc dès le retour de vacances en septembre. Voilà. Pour une nouvelle année, une nouvelle boucle avec. Une belle ligne d'arrivée, en l'occurrence la Coupe du Monde. Donc, ça va être une belle année, hein. On va se poiler, ça va être cool. Ça va être bien. Ouais. Croquette sera là de manière épisodique, mais régulièrement aussi. Oui, avec plaisir. Écoutez, c'est ma première intervention, mais j'aurai grand plaisir à revenir et apporter ma petite graine pour soutenir l'édifice. Et quant à vous, Théo, on espère que vous nous enverrez de là où vous serez quelques beaux reportages sur le football amateur et sur les pratiques footballistiques. Vous pouvez compter sur moi pour les meilleures anecdotes. Je vous en ferai part avec grand plaisir, en tout cas. Bah écoutez, on vous remercie tous les trois, chers invités. Je crois qu'on va, pour conclure, vous dire bonnes vacances, chers auditeurs. Tout simplement, on vous laisse dans les mains un peu rude mais aimante de Pascal Dominguez qui va vous suivre tout l'été avec 40 degrés à l'ombre, hein, je crois, sur Radio Galère à la place de notre créneau. Et puis, docteur Romain, à vous la parole pour finir. Oui, moi je vous salue une dernière fois. Je remercie bien sûr, évidemment, tous les participants de ce soir, tous les auditeurs qui se sont échinés à essayer de téléphoner, qu'on n'a pas pu prendre, on en est désolé. Et je laisse la parole. En vous souhaitant vraiment un bel été et en vous souhaitant à très bientôt à monsieur Romain de Cuvilliers. Oui, écoutez, très touché d'avoir pu être présent et très touché d'abord par cette petite chronique qui, très discrètement, quelques anecdotes m'étaient, je pense, adressées. Voilà, j'ai versé une larme à la fois d'émotion et de rire. C'était un grand moment d'être là parmi vous. Et voilà, et donc je pense qu'on va se quitter donc, sur cette petite touche musicale du groupe dont je vous parlais tout à l'heure, cher Manuel. Ah oui, qui sera donc programmé pour le festival de Absolument, foot. Absolument, ce grand festival voilà, au Parc Borelli en 2014, voilà, c'est ça. Et bien voilà. Post-coitum, c'est ça, post-coitum, le morceau Le Souper. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Au revoir, merci. Au revoir. We'll be right back. Thank you.